Là y'a du bif à foison, la rue c'est comme un poison. J'vole comme un oiseau, la potion dans ma boisson. T'inquiète, j'vais revenir entier, il manquera sûrement tes amis. J'travaille le chantier, dans le cerveau j'fais de la mécanique. Faut que j'coule comme le Titanic, j'suis trop doré, j'ai pas de vitamine. Ça me contamine, y'a trop de jaloux qui m'examinent. Et mes ex, elles sont toutes revenues. C'était obligé, regarde la caisse, elle est revenue. C'est plus l'époque des TG. Entre le cœur et la raison, y'a la solution. Entre dehors et la maison, on sait pas les mêmes relations. Y'a pas que les condés sur mes côtes. Faut que les condés sur mes côtes. Quand j'te parle, faut que tu m'écoutes. Quand j'te parle, faut que tu m'écoutes. Ça descend la frappe sur la côte. A plus de 200 sur la route. J'm'en mets plein les poches. Plein les poches. Y'a plus de place dans la sacoche. Dans la sacoche. J'm'en mets plein les poches. Plein les poches. Y'a plus de place dans la sacoche. Dans la sacoche. On fait les talcs, c'est obligé. Là je prépare ma vendetta. En pleine descente, tu calibré. On fait du sale dans tous les camps. Tout part en couille, ça te prend ta drogue, ça sort les armes. Parole d'homme, je les laisse papoter comme des fans. Je vais t'enseigner, au pire je vais te renseigner. Mando zéné, s'ils sont déjà venus me raisonner. Je vais t'enseigner, au pire je vais te renseigner. Mando zéné, s'ils sont déjà venus me raisonner. Entre le cœur et la raison, y'a la solution. Entre dehors et la maison, on sait pas les mêmes relations. Y'a pas que les condés sur mes côtes. Faut que les condés sur mes côtes. Quand j'te parle, faut que tu m'écoutes. Quand j'te parle, faut que tu m'écoutes. Ça descend la frappe sur la côte. A plus de 200 sur la route. J'm'en mets plein les poches. Plein les poches. Y'a plus de place dans la sacoche. Dans la sacoche. J'm'en mets plein les poches. Plein les poches. Y'a plus de place dans la sacoche. Dans la sacoche.